Bienvenue à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Le 8 octobre dernier, l'Académie royale des sciences de Suède décernait son 113e prix Nobel de physique à trois chercheurs œuvrant en astrophysique. Il s'agit de James Peebles, un Manitobain d'origine dont les travaux portent sur la cosmologie moderne, et de Michel Mayor et Didier Queloz, deux Suisses qui ont découvert en 1995 une exoplanète, c'est-à-dire une planète gravitant autour d'un soleil autre que le nôtre. Alors, pour nous parler des lauréats, de leurs travaux et de leurs découvertes, ainsi que d'un certain sentiment d'injustice créé par leur mise des prix, je reçois Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique à l'Université Laval. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi, François. Alors Jean-René, à chaque année, lors de la remise des prix Nobel de physique, ça doit être un grand moment de fébrilité pour vous, non? Toujours, c'est une semaine relativement chargée qu'on attend toujours avec intérêt. Ayant vécu dans un endroit où un de mes collègues a eu le prix Nobel, un de ces mardis de la première semaine d'octobre en 2011. Donc, c'est toujours un bon moment et c'est une belle célébration, en fait, de pas seulement la personne qui reçoit le prix ou les trois ou les deux, parce que c'est un maximum de trois personnes, mais c'est une célébration pour tout le monde, pour tous les collègues. Et quel sentiment ça vous laisse que les deux Canadiens, Gordon Walker et Bruce Campbell, qui ont découvert finalement la première exoplanète, aient raté un prix Nobel? Non, ils n'ont pas. Ça, il faut faire attention. Il y a un peu une distorsion d'information. Oui. C'est après coup qu'on a réalisé que dans leur signal très difficile à mesurer, personne n'aurait mis de l'avant qu'il y avait une planète. Eux-mêmes n'ont jamais proposé qu'il y avait une planète, qu'il y avait une possibilité de planète. Et c'est un de leurs collègues, Jimmy Matthews, qui était un expert en fluctuation de la brillance des étoiles et en oscillation des étoiles, qui a dit « Attention, attention, vous allez faire rire de vous si vous mettez ça de l'avant. » Donc, c'était après des années de mesure au télescope Canada-France-Hawaï, le grand télescope que les Canadiens peuvent utiliser à Hawaï, qu'ils ont fait émerger peut-être ce qui était un signal indiquant la présence d'une planète. Après, avec des mesures beaucoup plus précises, on a pu établir que oui, caché dans leurs observations, il y avait probablement une planète, mais jamais on n'aurait pu asseoir ça avec solidité à ce moment-là. Ils n'avaient pas la précision. En fait, la précision qu'ils avaient atteinte, c'est on était capable de mesurer, Walker et Campbell, qui avaient fait un travail absolument extraordinaire, je ne veux pas le minimiser, je connais les deux personnes très bien, ils pouvaient mesurer un peu une vitesse de déplacement entre nous et une étoile de l'ordre de 10 mètres par seconde. Oh là là. Ce qui est la vitesse d'un vélo à grande vitesse, là. Non. Mais ce qui est nécessaire pour mesurer vraiment, sûrement et avec précision, et ce qu'ont atteint Didier Queloz et Michel Mayor, il faut mesurer 1 mètre par seconde, la vitesse de marche, qui est due au déplacement de l'étoile, due à la force d'attraction par une grosse planète qui tourne autour. D'accord. Autrement dit, ce que vous êtes en train de dire, c'est seulement rétroactivement, après une longue période, qu'effectivement... On peut comprendre que, mais effectivement, à ce moment-là, c'était pas possible. Donc, il n'y a aucune injustice. Tout cela démontre que la science progresse par piétinement, par avancée, par recul. C'est toujours très, très difficile. Et ils étaient aux limites de la technologie. Et comme je l'indiquais tantôt, il fallait faire un bond de facteur 10 en précision. Où ils ont été des pionniers pour mettre au point des techniques, mais ils n'ont pas eu les fonds et la patience et aussi l'appui des comités d'allocation de temps de télescope. D'accord. Alors écoutez, Jean-René, si on commençait par James Peebles, en fait, on dit de lui que c'est le père de la cosmologie moderne, qu'il a contribué à tous les domaines. Attention encore, les pères, c'est comme beaucoup de choses. Ici, là, il y a toujours beaucoup de pères puis de mères. Donc, en fait, il est un des acteurs, un des leaders intellectuels. Je reviens toujours, le Nobel reconnaît un grand travail et souvent aujourd'hui, contrairement à la première période du 20e siècle, on reconnaît plutôt le leader intellectuel d'une équipe qui est mis de l'avant par ses collègues, en fait. Et James Peebles a été dans l'équipe de Robert Dickey à la fin des années 50, mais surtout dans les années 60. Et il est tombé dans la foulée, en fait, de travaux qui avaient été commencés, je vais résumer, mis de l'avant par le cosmologiste belge Georges Lemaître. oui. L'inventeur du Big Bang. Effectivement, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, donc il faut commencer par là. Donc, Georges Lemaître avait découvert l'expansion de l'univers en réinterprétant les équations de la relativité générale d'Einstein. Et il avait comparé ces solutions qu'il obtenait, des équations telles qu'il les traitait, que l'univers pouvait soit se contracter, soit être en expansion. Mm-hmm. Vous voyez ça comme un gros ballon sur lequel les galaxies sont attachées et qui se contractent ou qui se dilatent. Et en regardant les observations qu'il avait à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, il a conclu que l'univers était en expansion et non pas en contraction. Donc, c'est 1927. En 1932, il arrive avec une hypothèse encore plus révolutionnaire, je dirais. Il propose, il remet l'expansion à l'envers et dit, mais si c'est en expansion maintenant, dans un certain temps dans le passé, tout était dans un petit paquet. C'est le fameux concept de l'atome primitif, mm-hmm. qui s'est développé pour créer la matière, l'espace et le temps. Donc, ce qui se passait, et il le dit lui-même, il ne fait pas la théorie en détail, il dit, les tout débuts de l'univers, si tout se tient, ont dû être extrêmement chauds. Mm-hmm. Et l'univers devait être extrêmement dense, encore plus dense, plus chaud que le centre d'une étoile comme le Soleil. OK. C'est très chaud, ça. Donc, il dit, bon, et ce qu'il dit, c'est que peut-être qu'il reste deux choses de cette phase-là. Aujourd'hui, on est beaucoup plus tard. Et il avait inféré des âges à peu près où ça s'était passé. Il était de quelques milliards d'années. On sait qu'aujourd'hui, c'est 13,8 milliards d'années. Mm-hmm. Donc, il avait inféré deux choses qu'on pourrait peut-être observer. Une espèce de relique, de restant de ce temps très chaud sous forme de quelque chose, des particules très énergétiques ou un rayonnement très chaud. Et aussi, il avait fait l'hypothèse que tous les éléments chimiques qu'on observe, ils ont été cuisinés à ce moment-là parce que l'univers était très chaud. Uh-huh. Mais Lemaître n'a pas poursuivi ces travaux-là. Ça a été repris plus tard par trois Américains, en particulier un chercheur, un émigré russe aux États-Unis, George Gamow, et ses collègues de l'Université George Washington à Washington. Donc, ses collègues Ralph Alfer et Robert Herman, dont on parle pas beaucoup. Ça aurait été tout des nobelisables. On nobelise seulement les vivants, là, pas les morts. Donc, eux ont fait certains calculs. Ils ont montré, oui, en effet, que la température est assez chaude. On devrait observer... les éléments d'aujourd'hui auraient été possiblement cuisinés dans ces premières microsecondes, disons les premiers 10 minutes de l'univers, et ils devraient nous rester un peu comme la chaleur de braise de feu, il devrait nous rester une lueur aujourd'hui qui aurait une température non plus de milliards, de millions, même de milliers de degrés, mais de seulement quelques degrés Kelvin, quelques degrés au-dessus du degré zéro. Effectivement. Mais oui. Oui, vas-y avec ta question. Jean-René, oui. Et de quelle façon Peebles a enrichi la technologie du Big Bang? Est-ce qu'il y a eu une contribution? Oui, donc là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le superviseur de thèse, de travail de thèse de doctorat de Peebles, c'est Robert Dickey. Et Robert Dickey a lu les travaux des trois personnes que j'ai mentionnées, Gamow, Herman et Alfer, qui disaient qu'il devait avoir une lueur, une radiation qui correspondait à quelques degrés Kelvin. Mm-hmm. Et Dickey a calculé et dit, on devrait observer ça, pas dans la lumière ou l'infrarouge même, il dit, on pourrait observer ça dans les micro-ondes. C'est là que cette lueur manifesterait son rayonnement. Et il a construit un appareil pour observer ça, un radiotélescope tout simplement. Mais il a demandé à Peebles, il dit, pourrais-tu essayer de me calculer plus exactement quelle serait la température, donc quelle serait l'intensité du rayonnement qu'on devrait observer? Donc, Peebles s'est mis là-dessus, et lui, il n'était pas trop intéressé. Il dit, bon, je vais travailler là-dessus, et tout, etc. Et là, il est embarqué, et il a fait tous ses développements de cosmologie. Et ce qui est intéressant, pour revenir, c'est quelque chose d'absolument crucial, Dickey cherchait à observer ce rayonnement micro-ondes, et il a été découvert en parallèle à une centaine de kilomètres de là par deux chercheurs des laboratoires Bell, Bob Wilson et Arnaud Penzias. Et eux testaient des antennes spéciales pour communiquer avec les premiers satellites de communication. Et ils exploraient justement ce mode de communication avec les satellites de communication qui étaient juste en train de commencer en utilisant des micro-ondes. Et ils avaient détecté un drôle de signal qui était toujours là et qui était de toutes les directions. Ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. Ils pensaient que leur antenne était contaminée même par des crottes de pigeons. Donc, ils ont fait un grand nettoyage de l'antenne, etc. Et ce rayonnement-là restait toujours. C'est le fameux rayonnement fossile dont on parle aujourd'hui dans les micro-ondes. Donc, c'est là que la connexion s'est faite. Ils ont contacté Bob Dickey. Dickey lui dit, mais je sais ce que vous observez. Moi, je le sais ce que vous observez. Vous ne saviez pas que vous observez ça. Moi, j'essayais de l'observer, puis je ne le voyais pas. Donc, c'était ce fameux rayonnement. Et de là, les travaux, là, évidemment, Peebles ont embarqué avec ses collègues et fait des calculs plus précis. Il est arrivé que la température du fond de rayonnement, qui devrait correspondre à quelque chose qui était à 2,7 degrés Kelvin. Donc, et ça, c'est déterminé aujourd'hui avec très, très grande précision. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le rayonnement fossile, n'est-ce pas? Exactement. Donc, l'autre chose que Peebles a faite qui est très importante. Oui. Donc, on revient à l'idée de la fabrication des éléments. Oui, effectivement. Au début de l'univers. Donc, Peebles a démontré que l'expansion de l'univers était tellement rapide que la température et la densité devaient chuter très rapidement. De sorte que seulement quelques éléments légers allaient se former dans cette phase primaire du Big Bang, post-Big Bang. Et il a même calculé quels seraient les éléments. L'hélium, le deutérium et un peu de lithium et de béryllium. Et surtout, il a mis l'emphase sur l'hélium et il a prédit que la masse de l'hélium dans l'univers représenterait à peu près le quart de la masse de la matière qu'on appelle baryonique. Et, en fait, c'est ce qu'on a mesuré et ce qui s'est révélé être le cas universellement. Partout où on observe dans l'univers, on a de l'hydrogène et on a ensuite à peu près un quart de la masse, un peu moins, c'est de l'hélium. Et même si une étoile a très, très peu d'or, de fer, d'oxygène, elle va toujours avoir 25% d'hélium. Si elle en a plus, elle va toujours... Il y a une espèce de plancher. Et Peebles a dit ce plancher-là, il a été établi par la fusion de l'hélium dans les tout débuts de l'univers. Aujourd'hui, ce qui se fait dans les étoiles, il s'en fait de l'hélium, mais c'est une infime quantité par rapport au début de l'univers. Et d'autre part, tous les éléments plus lourds dont on est fait, oxygène, carbone, azote, soufre, phosphore, etc., ces éléments-là ont été fabriqués dans les étoiles. D'accord. Et Jean-René, on devrait poursuivre avec Michel Maillard et Didier Queloz. En 1995, ces deux chercheurs ont découvert, en fait, la première exoplanète qui sera nommée 51 Pégase B. Oui, donc c'est le nom de l'étoile. L'étoile est 51 de Pégase. Oui. Et B, c'est la deuxième composante du système, donc c'est la planète. C'est pas plus compliqué que ça. Mais on dit que cette découverte suscite un certain scepticisme. Oui, parce que justement, on a parlé tantôt de Gordon Walker et Bruce Campbell. Oui. Parce que c'est une mesure terriblement difficile. Il y a toutes sortes. Et d'ailleurs, c'est un signal qu'on peut faire ressortir après plusieurs années d'observation. Imaginez que vous essayez d'observer Jupiter qui tourne autour du Soleil, vous devez observer pendant 10 ans, voir le changement de vitesse du Soleil attiré par Jupiter. Alors, quels instruments ils ont utilisés pour découvrir l'exoplanète? Ils ont utilisé même un plus petit télescope qu'utilisait Bruce Campbell et Gordon Walker, un télescope de Haute-Provence à ce moment-là. Avec un spectrographe qui était capable de mesurer la vitesse. Et ils ont observé, un peu par chance, un signal très fort. Ouais, parce que la planète était très proche de l'étoile. D'accord. Donc, je ne me souviens plus exactement, là, mais elle faisait le tour de l'étoile en quelques semaines, quelques mois. Donc, étant plus proche, elle produisait un effet de vitesse beaucoup plus considérable. Probablement que si Bruce Campbell et Gordon Walker avaient regardé cette étoile-là, ils auraient vu la planète. Okay. Donc, c'est un coup de chance, ça aussi. Parce qu'il faut la repérer. Donc, la chance sourit toujours aux gens bien préparés. C'est un bel exemple. Et après, évidemment, ils ont continué. En fait, ce qu'on reconnaît, on a marqué cet événement, mais ils ont continué leur programme sur un grand télescope au Chili, un peu l'équivalent de celui d'Hawaï utilisé par Kimball. Ils ont fait fabriquer un superbe spectrographe d'une grande stabilité thermique, mécanique et tout, qui donne cette vitesse dont je parlais, la vitesse de marche d'une personne, 1 mètre par seconde. Donc, on peut mesurer les déplacements infimes de l'étoile. Et ils ont finalement surveillé un ensemble d'étoiles et ils ont découvert plusieurs dizaines de planètes en orbite autour d'étoiles. Mais une autre chose intéressante, c'est qu'ils ne cherchaient pas des planètes autour de l'étoile parce qu'ils disaient c'est trop difficile, c'est rare. Ils cherchaient plutôt quelque chose de plus massif qui est entre des grosses planètes comme Jupiter et des étoiles naines, qu'on appelle des naines brunes. Donc, des espèces d'étoiles manquées. Parce qu'on va commencer par ça, c'est plus massif, peut-être qu'on va avoir plus de chances de découvrir quelque chose qui tourne autour d'une autre étoile. Et enfin, ils sont tombés sur quelque chose qui était comme une grosse Jupiter. Et si vous nous parliez de l'instrument Élodie qui a été imaginé même par Michel Maillard, oui, et installé à l'Observatoire de la Haute-Provence, oui, en fait, c'est fait pour... détecter des planètes. Des vitesses très fines. C'est un spectrographe qui est dans des conditions qui est très, très stable. Donc, le spectrographe n'est pas accroché au télescope. Il est dans une enceinte à température extrêmement stable sur une plateforme isolée mécaniquement du sol. Et on l'alimente à l'époque avec un système de miroir. Aujourd'hui, on alimente ce genre de spectrographe avec des fibres optiques. C'était le concept qu'ils ont utilisé pour mettre au point le grand instrument qu'on appelle HARP, qui est installé maintenant au Chili à la CIA. Et depuis 1995, Jean-René, on a repéré plus de 4000 exoplanètes maintenant. Oui. Mais est-ce qu'il semble y en avoir... En fait, il semble y en avoir aucune qui supporte la vie. Comment fait-on pour déterminer à distance si une planète peut supporter la vie? Parce que c'est quand même pas évident quand on est faudrait définir mieux ce qu'est la vie, puis on ne sait pas trop même regarder ailleurs dans notre propre système solaire. Donc, parce que j'imagine on parle de micro-organismes à ce moment-là. On n'a aucune idée. On n'a aucune idée. Il ne faut pas trop spéculer. Donc, quand même, il y a 4 méthodes pour observer des exoplanètes. Là, celle de Michel Maillard, Didier Queloz et Bruce Kimball et tout, en regardant le déplacement apparent d'une étoile due à l'attraction de grosses planètes qui tournent autour. L'autre méthode, c'est de regarder beaucoup d'étoiles et voir celles dont le plan des planètes serait aligné dans notre ligne de visée. Uh-huh. Et quand elles passent devant leur étoile, elles produisent une micro-éclipse qui correspond à un affaissement de luminosité d'une fraction de pourcent. Un transit, hein? Un transit, exactement. Mmh. Donc, ça, c'est le plus grand nombre de planètes candidates a été identifié et est identifié maintenant de cette méthode. La troisième méthode, c'est une méthode très difficile qui est celle de l'imagerie directe. Et ça, ici, là, les Canadiens ont été en avant, David Lafrenière, puis Christian Marois de Montréal et ensuite de Victoria, ont été des pionniers, et j'étais là à Gemini quand on a imagé les premiers systèmes de planètes. Donc ça mériterait possiblement un Nobel, éventuellement. Donc, il y a une dernière méthode qui est difficile, c'est ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle. Mais pour revenir à ta question, François, comment on pourrait détecter quelque chose qui serait un biomarqueur? Oui. Évitons de parler de vie. Effectivement. Quelque chose qui est un biomarqueur qui pourrait détecter des molécules qui pourraient être des produits d'activité biologique. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand on revient à la méthode de transit, quand la planète passe devant l'étoile, et supposons que la planète a une atmosphère. Là, ce que vous faites, c'est que vous regardez le spectre de l'étoile qui va être légèrement modifié par la lumière qui va passer de l'étoile qui vient vers nous, mais qui va cette fois-ci passer à travers l'atmosphère de la planète. Être filtré par l'atmosphère de la planète, En quelque sorte filtré, absorbé, etc. Et qui va en ressortir avec une signature des molécules qui seraient présentes. OK. Donc, c'est comme ça que récemment, on a détecté de la vapeur d'eau dans une exoplanète. Donc, c'est la seule chose à l'heure actuelle qu'on a détectée. Et donc, ce qu'on recherche éventuellement, c'est du CO2, c'est du du méthane en particulier, quoique le méthane peut être de source géologique et non pas uniquement de source biologique. Alors, Jean-René, merci beaucoup pour ces explications. Alors, je rappelle que vous êtes astrophysicien et professeur associé au département de physique à l'Université Laval. On va faire une pause musicale et on vous revient avec Céline Vanekoute qui va nous expliquer comment on peut donner une deuxième vie au gypse. À tout à l'heure.